بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. Donc le cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab dit dans le chapitre suivant, chapitre sur ce qui a été rapporté à propos de At-Tanjim. At-Tanjim qui vient du mot An-Najm, c'est-à-dire les étoiles. At-Tanjim, c'est un mot qui désigne toutes les pratiques ou les croyances qui tournent autour des étoiles. Donc par exemple, le fait de croire que les étoiles ont un effet sur les événements. Donc penser que le fait que telle étoile soit à telle position, eh bien c'est le signe de la venue du printemps, ou de la pluie, ou des récoltes, ou de la montée ou de la descente des prix, etc. etc. Donc c'est ce qu'on appelle, je pense, l'astrologie. Ou également une autre sorte de tenjim qui est reliée à la sorcellerie, c'est le fait de pratiquer de la sorcellerie en utilisant également le nom des étoiles ou les positions des étoiles et en prétendant que ça agit sur l'être humain, que ça peut le rendre malade, etc. etc. Et une autre sorte qu'on peut appeler tenjim, c'est ce qu'on appelle aussi ilmu tassir, c'est simplement le fait de connaître le mouvement et les positions des astres. Ça, c'est permis. Et ça aide, par exemple, à trouver la qibla, ça aide à trouver son chemin quand on est en voyage dans le désert ou en mer, ça aide à trouver des routes, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il a mis ce chapitre, pour montrer que les pratiques faites autour des étoiles, certaines font partie du shirk et d'autres sont permises. Donc il dit, rahimahullah, قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. Donc l'imam al-Bukhari a rapporté dans son sahih cette parole de Qatada. Qatada qui est un des tabi'in, qui disait, rahimahullah, Allah a créé les étoiles pour trois choses. Premièrement, comme une parure pour le ciel, c'est-à-dire que c'est une beauté au ciel, c'est quelque chose de beau pour celui qui les regarde. Wa rujuman li shayatin, et pour lapider les démons, c'est-à-dire que certaines des étoiles ont pour fonction de poursuivre les démons. C'est-à-dire elles servent comme des projectiles contre les démons qui essayent d'entendre les paroles des anges. Wa alamatin yuhtada biha, et des signes par lesquels on se guide. C'est-à-dire que la position des étoiles permet de se guider quand on est en mer, quand on est dans le désert, permet de connaître l'est, l'ouest, le nord, etc. etc. Et il dit ensuite, celui qui leur donne un autre sens, c'est-à-dire celui qui donne un autre sens à cela ou aux étoiles se sera trompé, et c'est-à-dire il aura gâché sa part, c'est-à-dire sa part de récompense ou sa part du savoir. Et il dit également, et il se sera imposé ce qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire il aura parlé de ce dont il n'a aucun savoir. Donc certes, ceux qui disent que les étoiles, par exemple, ont un effet sur le monde ou sur les événements, eh bien ceux-là, ils disent des choses dont ils n'ont aucune connaissance. Ils ne font qu'inventer sur Allah et sur la création d'Allah. De même, celui qui dit que lorsque l'étoile est à tel ou tel endroit, ou la lune, eh bien c'est un signe qu'il se passera tel bonheur ou tel malheur. Celui-là aussi, il a cherché à parler de ce qu'il ne connaît pas et de ce qu'il ne peut pas savoir. Car al-ghayb, l'invisible, ça fait partie du domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, وَكَرِهَا قَتَادَةُ تَعَلُّمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَلَمْ يُرَخِّسْ إِبْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ. Ensuite, il rapporte l'avis de certains des salafs sur le fait d'apprendre manazil al-qamar, c'est-à-dire les stations de la lune. C'est valable aussi pour les stations des étoiles. C'est-à-dire connaître justement la troisième sorte de tanjim dont on a parlé, qui est ilmu tassir, c'est-à-dire connaître le mouvement et les positions des astres, que ce soit le soleil, la lune ou les étoiles. Donc il dit Qatada, donc le tabi'i, dont on a vu la parole précédemment, la kariha, c'est-à-dire il l'a détesté, dans le sens il l'interdisait. De même que l'imam Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, c'était un imam du grade, entre guillemets, et de l'époque de l'imam Malik. Sauf que l'imam Malik était connu pour être l'imam de Médine, et Sufyan ibn Uyayna était connu pour être le cheikh de Mecca. Et il fait partie des shuyukh de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc ces deux-là ne permettaient pas d'apprendre ce genre de savoir. Pourtant, comme on l'a dit, ce savoir, il est permis. Donc ils l'ont interdit de peur que ça amène plus loin, que ça amène à la croyance dans les étoiles ou les pratiques de voyance ou de sorcellerie qui sont en relation avec les étoiles. Donc pour fermer la porte à ce genre de pratiques, ils ont carrément interdit et déconseillé ce qui était licite. Et il dit ensuite, c'est Harb qu'il a mentionné de ces deux-là. C'est-à-dire c'est Harb, l'élève d'Ibn Abba, de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui a rapporté de Sufyan ibn Uyayna et de Qatada qu'ils déconseillaient ou qu'ils interdisaient le fait de connaître et d'apprendre les mouvements et les positions des astres. Donc on s'arrête là pour lire ce qu'il a dit sur Ibn Uyayna. Comme on le fait à chaque fois d'habitude. Il ne l'a pas mis, exceptionnellement, donc il ne l'a pas mis. Par contre, Harb, donc il dit à propos de Harb, huwa Ibn Ismail Ibn Khalaf Al-Hamdali, Al-Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Kirmani, Al-Faqih Min Jullati Ashabi Ahmed. Donc Harb Al-Hamdali, Abu Muhammad, c'était un Hafiz, c'est-à-dire un grand connaisseur et savant du Hadith, un imam qui fait partie des compagnons de l'imam Ahmed les plus connus. Et il a des Masa'il. Des Masa'il, c'est-à-dire des livres dans lesquels il rapporte ce qu'il a posé comme question à l'imam Ahmed et à d'autres parmi les imams. Donc ça c'est Harb. Ensuite il dit, plutôt l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dit, rahimahullah, et l'imam Ahmed et l'imam Ishaq, eux ont permis d'apprendre les positions des étoiles et les positions de la lune, c'est-à-dire al-manazil. Donc comme on le voit, ça ne fait que confirmer que c'est quelque chose de licite. Et ceux qui l'ont interdit pour fermer la porte, de crainte que ça n'amène à l'interdit. Et justement, il y a des hadiths qui sont authentiques et que Cheikh Suyuti a mentionné dans Al-Jami' al-Sarir, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs de ces hadiths, a dit qu'une des choses qu'il craignait le plus pour sa communauté, c'était Al-Iman bin Nujum, le fait de croire dans les étoiles. Et ce sont des hadiths que l'imam Al-Albani, rahimahullah, a authentifié. Donc, le fait de croire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prédit et a craint pour sa communauté le fait de revenir à la croyance dans Al-Nujum, c'est-à-dire dans les étoiles. Ensuite, on va lire qui est Ishaq. Donc il a dit, ça a été permis par Ahmed et Ishaq. Qui est Ishaq lorsqu'on cite les fuqaha, lorsqu'on cite les savants et qu'on dit Ishaq? Lequel Ishaq on désigne par là? Donc il dit Ishaq, huwa Ibn Ibrahim Ibn Makhlad Al-Hamdali Al-Tamimi Al-Naysaburi. Donc Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdali, et qui était connu comme Ibn Rahaway. Ishaq ibn Rahaway, c'est comme ça qu'on l'appelle le plus souvent. C'était le compagnon de l'imam Ahmed. Il dit summiya bidhalika li anna abahu wulida fi tariq Makkah fa qalat al-marabidha Rahaway li annahu wulida fi tariq. Donc ils disent que son père est né dans le chemin, et donc en Perse certaines personnes ont dit Rahaway. Et on l'a appelé Ishaq ibn Rahaway, Wallahu a'lam. Imamun min a'immatil muslimin. Donc il fait partie des imams des musulmans, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Et c'est l'imam Ahmed, rahimahullah, lui-même qui le disait. Il disait Ishaq imamun min a'immatil muslimin. Simplement, l'imam Ishaq ibn Rahaway n'a pas de madhhab qui est connu comme étant le madhhab de l'imam Ishaq. Contrairement aux imams Ahmed, Shafi'i, Malik et Abu Hanifa, mais il fait partie de ce genre d'imam, c'est-à-dire de la même valeur et dont les paroles ont un poids dans le fiqh. Et beaucoup de ces paroles dans le fiqh nous ont été transmises jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sont gardées et sont transmises dans les livres de fiqh. Simplement, il n'y a pas de madhhab qui se rattache à l'imam Ishaq. Et il est mort en 239. Il fait partie des shuyukh, par exemple, de l'imam al-Bukhari, de l'imam Abu Daoud, de Muslim. Tous sont rapportés de Ishaq ibn Rahawi dans le hadith. Donc on passe au hadith suivant. Il dit « وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِ. Donc là, c'est un hadith rapporté par Ahmed et Ibn Hibban, dont le Cheikh Al-Albani, rahimallah, dit que c'est da'if, il n'est pas accepté. Cependant, comme quand on va le voir quand on va le traduire, ce hadith, son sens, il est vrai. Il est vérifié par plein d'autres hadiths. Donc le hadith dit, trois personnes n'entreront pas au paradis, mudminul khamr, c'est-à-dire celui qui est alcoolique, celui qui est habitué à boire de l'alcool, وَقَاطِعُ الرَّحِيمِ, celui qui coupe les liens de parenté, وَمُصَدِّقُن بِالسِّحْرِ, et celui qui croit, qui confirme la sorcellerie. Pourquoi avoir cité ce hadith dans ce chapitre alors qu'ici on parle des étoiles et non pas du sihr? C'est justement parce que, comme on l'avait vu dans des hadiths, dans le chapitre du sihr, on peut appliquer le mot sihr aux différentes croyances et pratiques qui sont faites autour des étoiles. Donc ici ça nous montre le péché de celui qui vient croire ou confirmer à ceux qui prédisent l'avenir à partir des étoiles. Et même, c'est un péché qui atteint la mécréance. S'ils croient en ce qu'ils disent et ils croient qu'ils peuvent informer sur l'avenir, alors que c'est une spécificité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait tomber la personne dans la mécréance. Alors que le fait de consommer l'alcool ou de couper les liens de parenté, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « ils n'entreront pas au paradis », c'est-à-dire c'est ce qu'ils méritent. Ils méritent de ne pas entrer au paradis. Mais on sait que celui qui meurt sur cette action, soit Allah Azza wa Jal le pardonne, soit il rentre en enfer jusqu'à un temps déterminé pour ensuite rentrer au paradis. Ça, c'est pour les musulmans. Donc, ce qui veut dire que boire de l'alcool et couper les liens de parenté, ça fait mériter l'enfer, mais ça ne rend pas la personne mécréante. On va lire ce qu'il dit sur Abu Moussa. Donc, il dit à propos de Abu Moussa, Ya'ni al-Ash'ari. Donc Abu Musa al-Ash'ari, que vous retrouvez souvent dans les hadiths, an Abi Musa al-Ash'ari. Wasmuhu Abdullah ibn Qais ibn Hidar ibn Harb ibn Amir. Donc en fait, le nom de Abu Musa al-Ash'ari, c'est Abdullah ibn Qais. Et sa kunya, c'était Abu Musa. Sahabiyun jalilun mashhurun bismihi wa kunyatihi. Qadima al-Madinata ma'a Ja'far, wa sta'amalahu al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala ba'd al-Yaman, wa umira ala al-Basra. Donc Abdullah ibn Qais, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé avec Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Quand il l'a dit, hein, yassira wa la tu'assira, facilitez et ne rendez pas les choses difficiles, à qui il s'adressait, à Mu'adh et à Abu Musa. C'est ces deux-là qu'il a envoyé ensemble au Yémen, chacun dans une partie du Yémen. Et plus tard, il dit wa umaru ala al-Basra, et non pas umira comme j'ai dit au début, wa umaru ala al-Basra. Umar l'a placé comme gouverneur de la ville de al-Basra. Thumma Uthmanu ala al-Kufa, et Uthman l'a placé comme gouverneur sur la ville de Kufa en Irak. Mata bil Kufa wa qila bi Mekka sanata 50. Il est mort dans la ville de al-Kufa ou dans la ville de Mekka, selon donc les divergences des historiens, en l'an 50, radiallahu anhu. Donc on passe au hadith suivant, au chapitre suivant. Donc pour ce qui est des étoiles, on en avait déjà parlé quand on avait parlé de la sorcellerie. Il dit Babu Maja fil istisqa ibil anwa, chapitre sur ce qui a été rapporté à propos de demander la pluie par al anwa. Donc ici il a dit al istisqa. Al istisqa à la base veut dire demander la pluie, demander de l'eau. Mais ici, ce qu'il veut dire, ce n'est pas de demander de l'eau. Et Al-Anwa, c'est le pluriel de Naw'un. Al-Naw'u, qu'est-ce que c'est? C'est la position, la station d'une étoile. La station d'une étoile, ça s'appelle Al-Naw'u. Donc Al-Anwa, c'est le pluriel. Donc Al-Istisqa bil-Anwa, si on lisait comme ça, on comprendrait le fait de demander la pluie par les stations des étoiles. Mais en fait, ce qui est voulu par là, ce n'est pas de demander la pluie. C'est de rattacher, assimiler la descente de la pluie aux stations des étoiles. Autrement dit, dire la pluie est tombée aujourd'hui ou hier parce que telle étoile s'est levée, entre guillemets, parce qu'elle est montée. Parce que un naw à la base, ça vient de na'a qui veut dire monter. Donc par rapport au mouvement des étoiles, il disait la pluie est tombée, par rapport à tel ou tel mouvement d'étoiles. Donc ça, ça fait partie du shirk. Mais ça dépend du degré. Il y a plusieurs degrés de shirk. Si la personne pense que c'est l'étoile ou les étoiles qui font tomber la pluie, alors là, quelle sorte de shirk c'est? Shirk akbar. Il aura mis l'étoile à la place et à l'égal d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est ce genre d'istisqa bil anwa que pratiquaient les mécréants des Arabes? À votre avis? Non. Parce qu'on sait, dans beaucoup de versets, qu'ils reconnaissaient Allah comme seul créateur et ils reconnaissaient qu'Allah Azza wa Jal est lui, celui qui fait tomber la pluie. Donc les Arabes d'avant l'islam, les polythéistes, reconnaissaient que la pluie vient d'Allah et c'est Allah qui l'a fait tomber. Donc c'est une autre sorte de shirk. C'est du shirk ashar. C'est-à-dire c'est un shirk mineur qu'ils pratiquaient, bien sûr en dehors de leur shirk akbar qu'ils pratiquaient d'habitude avec leurs idoles. Et ça consiste à dire que la pluie est tombée parce que telle étoile s'est levée ou était dans telle position ou a fait tel ou tel mouvement, etc. Donc au lieu de rattacher la pluie à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il la rattache et il l'assimile au mouvement des étoiles, tout en sachant que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a bel et bien fait tomber. Donc en quoi est-ce que c'est du shirk? Premièrement, c'est parce que dans les termes, on rattache la descente de la pluie au mouvement de l'étoile. Ça peut laisser comprendre que c'est l'étoile elle-même qui a fait tomber la pluie. Mais ça, ils n'y croyaient pas. Mais surtout, c'est parce que c'est rattacher la descente de la pluie à un sabab qui n'en est pas un. Et sans regarder le vrai sabab qui est la miséricorde d'Allah et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà en quoi c'est du shirk. Donc il dit, وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Donc il a cité premièrement la partie d'un hadith qui dit وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, c'est un peu difficile à traduire, c'est-à-dire et vous faites de votre risque que vous démentiez. C'est-à-dire l'explication du verset, parce que à traduire c'est dur à traduire, mais l'explication c'est qu'Allah Azza wa Jal dit à ces gens et aux mécréants, vous répondez au fait qu'Allah vous donne le risque et vous donne votre subsistance, tout le remerciement que vous avez pour cela, c'est de démentir. Et certains, il a été rapporté un hadith, même s'il n'est pas authentique, et beaucoup de savants du tafsir ont expliqué le verset par le fait que les mécréants recevaient la pluie de la part d'Allah Azzawajal, mais au lieu de dire que c'est Allah Azzawajal qui nous a fait tomber la pluie, ils disaient la pluie nous est tombée parce que l'étoile est montée, parce que telle étoile est montée, etc., etc. Donc Allah leur a dit, voilà comment vous recevez mes bienfaits, c'est de démentir. C'est qu'au lieu de me mentionner et de les assimiler à ma miséricorde, vous les assimilez au mouvement des étoiles. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم. Donc ici il a cité un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a quatre choses dans ma communauté qui font partie de la jahiliya, c'est-à-dire qui font partie des caractéristiques et des pratiques caractéristiques de la période précédente à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici il dit, il y a quatre choses qui sont des caractéristiques de la jahiliya qui vont rester dans ma communauté et que ma communauté ne délaissera pas. C'est-à-dire que ça existera toujours. Il existera toujours une partie et des membres de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui pratiquera ces quatre choses. Ça ne veut pas dire que toute la communauté pratiquera toujours ces quatre choses. Ça veut dire qu'elles resteront toujours chez certains membres de cette communauté. Ce qui nous montre également que le mot jahiliya, donc qui désigne la chose avant l'islam, peut désigner, quand on dit ça fait partie des caractéristiques de la jahiliya, ça peut être présent chez un musulman sans pour autant qu'il soit kafir. C'est-à-dire qu'il est musulman, mais il a en lui des pratiques et des paroles et des actes qui sont dignes de la jahiliya sans pour autant que ça fasse de lui un kafir, comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr radiallahu anhu, quand il a insulté la mère de quelqu'un, il lui a dit Anta mru'un fika jahiliya, tu es un homme dans lequel il y a de la jahiliya, alors que c'était un musulman. C'est-à-dire qu'il avait, en faisant cette parole, une caractéristique des gens de la jahiliya. Donc ces quatre choses, il a dit premièrement Al-Fakhru bil-Ahsab. Al-Ahsab, c'est le pluriel de Hasab, c'est-à-dire les mérites des ascendants. Par exemple, les exploits de guerre, etc. Ou la générosité de ton père, de ton grand-père, de tes arrière-grands-pères, de tes ancêtres. On appelle ça Al-Ahsab. Al-Fakhr, qu'est-ce que c'est? C'est l'orgueil, le fait de se vanter. Donc le fait de se vanter des mérites de ses ancêtres. Ça, c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes, notamment dans leur poésie. C'est-à-dire qu'ils parlaient de leur père, de leur grand-père, de leurs ancêtres, et ils les vantaient, et ils citaient ce qu'ils avaient fait dans la guerre, ou leur générosité, etc., etc. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que ça faisait partie de la jahiliya. Comment donc se vanter de gens, comme il est dit dans un hadith, qui sont de Fahmu Jahannam, qui sont le combustible de l'enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que ça c'est digne d'avant l'islam. Et que, comme a dit Allah Azza wa Jal, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah parmi vous, c'est le plus pieux, sans regarder hein, s'il est d'une ascendance de tel ou tel peuple, ou s'il est d'une ascendance noble, etc., etc. Donc le fait de se vanter et de s'enorgueillir à cause de son origine, eh bien ça c'est digne de la jahiliya. Wa ta'nu fil ansab, qui est un peu le contraire. At-ta'nu, c'est-à-dire le fait de critiquer ou d'insulter, fil ansab. Al-ansab, pluriel de nasab, c'est-à-dire l'ascendance des gens. Donc c'est un peu aussi les ancêtres. At-ta'nu fil ansab, ça peut être de plusieurs façons. Ça peut être dans le fait de critiquer les ancêtres de quelqu'un, par exemple. En disant, voilà, tes pères, ils étaient comme ci, tes ancêtres, ils étaient comme ça, etc. Et ça peut être aussi en remettant en cause son origine. En disant, par exemple, ton père, c'est pas ton père, ou, etc. Ou alors, t'es pas le fils de ta mère, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans At-Ta'n fil Ansab, et ça fait partie des pratiques de la Jahiliya. Et troisièmement, donc c'est là que le morceau du hadith qui nous intéresse ici, il a dit, Al-Istisqa bin Nujum. Al-Istisqa, c'est-à-dire le fait, l'istisqa, on pourrait comprendre par demander la pluie, mais ce n'est pas ça qui est voulu. C'est-à-dire, al-istisqa bin nujum, c'est de rattacher la pluie aux étoiles, comme on l'a dit. Et quatrièmement, il a dit, wa-niyaha. Al-niyaha, qui est le fait de crier et de se plaindre à voix haute, etc. Et parfois jusqu'à en se griffant le visage, etc., quand il y a un mort. Et après, il a dit dans la suite du hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-na'iha, c'est-à-dire la femme qui fait al-niyaha, si elle ne se repent pas avant sa mort, on l'adressera au jour du jugement avec un sirbel, c'est-à-dire l'équivalent d'un qamis, donc une robe entre guillemets de goudron, et dir'in min jarab, et un dir'. Dir', c'est comme le qamis, c'est comme la robe de jarab. Jarab, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui touche la peau. Une maladie qui touche la peau et qui donne des démangeaisons, des boutons, etc. C'est-à-dire qu'elle sera recouverte d'un vêtement de goudron et elle sera recouverte de boutons sur sa peau, etc., etc., au jour du jugement. وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِ قَالَ صَلَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّنْ صَرَفَ أَقْبَلْ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ. Donc ici, il rapporte le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani رضي الله عنه, qui dit, un jour le prophète صلى الله عليه وسلم nous a guidés dans la prière du subh dans Al-Hudaybiyah, l'endroit bien connu où il y a eu le pacte de Al-Hudaybiyah. Ala ifri sama'in kanat min al-layl. Sama ici, qu'est-ce qui est voulu par là? C'est la pluie. On peut appeler la pluie sama. Donc il dit juste après sama, c'est-à-dire juste après la pluie qui est tombée. Excuse-moi, frère. Je crois que vous l'avez pas. Je fais pause là parce que là. C'est bon. Sous pause. Ah, c'est bon, classe. Il faudra l'enlever de l'enregistrement, ça. Madame, c'est bon, c'est bon. Hein? Ah, ouais. Je dis, il faudra l'enlever de l'enregistrement. C'est le seul téléphone que j'entends de mes oreilles. Ah, d'accord. Donc il dit, il a prié alors que la pluie était tombée pendant la nuit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière du soubh et la pluie était tombée juste avant pendant la nuit. فَلَمَا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ. Et quand il a fini, انْصَرَفَ. Donc انْصَرَفَ, qu'est-ce que ça veut dire normalement? انْصَرَفَ, c'est partir. Mais quand vous lisez dans les hadiths qui parlent de la salat, انْصَرَفَ, ça veut dire finir la salat, tout simplement. Hein? Donc après qu'il ait dit assalamu alaykum wa rahmatullah, il s'est tourné vers les gens et il a dit هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ. Savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Ça, c'est une façon d'attirer l'attention des gens. Au lieu de leur dire tout de suite, votre Seigneur a dit, il dit, est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. Donc ils ont dit, Allah et son messager savent mieux. قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ. Il dit, Allah a dit, parmi mes serviteurs, certains se sont retrouvés croyants et d'autres mécréants. أَصْبَحَ, c'est-à-dire, دَخَلَ فِي الصُّبْحِ, dans le sens, ce matin, parmi mes serviteurs, il y en a qui sont croyants en moi et d'autres qui sont mécréants en moi, kafir. Et on va voir que kafir ici, c'est dans le sens qu'il a renié mon bienfait. Ce n'est pas dans le sens kafir qui sort de l'islam. C'est kafir dans le sens, comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des femmes, takfurna al-ashir. Vous reniez al-ashir, c'est-à-dire celui avec qui vous vivez, dans le sens où vous n'êtes pas reconnaissante envers lui. Comment il a dit ? Takfurna. Donc il veut dire que kafir veut dire parfois renier un bienfait, être ingrat. Donc c'est comme si le verset disait, certains d'entre vous sont croyants en moi, d'autres mécréants, dans le sens ingrat. فَأَمَّا مَنْ قَالْ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. Il dit, donc Allah Azza wa Jal dit, celui qui a dit parmi vous, nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde, celui-là a cru en moi et mécroit aux astres. Kafirun bil kawkab. Pourquoi? Parce que celui-là a assimilé la pluie à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc il a été reconnaissant envers ce bienfait. Premièrement, comment? Eh bien, déjà en reconnaissant que ce bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha, fa dhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Et celui qui a dit, nous avons reçu la pluie par un naou. Donc un naou ici c'est l'étoile, mais l'étoile dans le sens son mouvement. Par telle et telle étoile, celui-là est mécréant en moi et croyant en l'étoile. Donc ici mécréant dans le sens de la mécréance mineure, dans le sens de l'ingratitude. Celui qui assimile la pluie au mouvement de l'étoile aura été ingrat envers moi et aura cru en l'étoile. Et on a expliqué que ça c'est du shirk asghar. Pourquoi? Parce que la personne sait, puisque ici on parle d'une chose qui se passe dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si ça se passe dans la communauté, ça prouve que ces gens qui le disent savent que la pluie vient d'Allah azza wa jal. Car les musulmans savent que la pluie, ne disent pas que la pluie vient d'autre qu'Allah, ou vient d'une étoile, sinon ça les fait sortir de l'islam. Mais c'est dans le sens où ils savent que la pluie est une miséricorde d'Allah et vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans leur parole ils l'assimilent à l'étoile. Au lieu de mentionner la miséricorde d'Allah, il mentionne l'étoile et il croit que, c'est là la fausse croyance, et c'est là que c'est du shirk asghar, que la cause pour laquelle Allah a fait descendre la pluie, c'est le mouvement de l'étoile. Donc ils ont rattaché l'acte d'Allah à une cause qui n'en est pas une. Car le fait que les étoiles bougent dans tel ou tel sens, etc., n'a aucun rapport avec le fait qu'Allah fasse descendre la pluie ou pas. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ مِنْ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ وَفِيهِ قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. Donc Al-Bukhari et Muslim ont rapporté également un hadith qui est proche de Abdullah ibn Abbas, c'est-à-dire un hadith qui a le même sens, et à la fin il a dit, certains d'entre eux ont dit, c'est certains parmi les gens, sadaqa naw kadha wa kadha, c'est-à-dire l'étoile a dit vrai. En fait, ça ne veut pas vraiment dire « a dit vrai », mais « l'étoile », entre guillemets, « a confirmé ». Donc quand la pluie leur vient, en même temps que le mouvement de l'étoile, dont ils pensent que c'est un rapport avec la pluie, ils disent « sadaqa naw ukada ». C'est-à-dire « l'étoile », c'est comme s'ils disaient « l'étoile a confirmé », entre guillemets. Donc ça, ça fait partie de leur shirk. Et Allah Azza wa Jalla a révélé à propos de ces gens-là les versets à la fin de la sourate Al-Waqi'a. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Je jure par les positions des étoiles et voilà un serment, si vous le saviez, énorme, un serment qui est énorme. Et à la fin de ces versets, c'est le verset que le cheikh a cité au début du chapitre. Ce qui nous prouve que le verset, tel qu'on l'a expliqué au début du chapitre, a bel et bien un lien avec la croyance aux étoiles et le fait de rattacher la pluie et la descente de la pluie au mouvement des étoiles. On passe au chapitre suivant. Babu qawlillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah al-aya. Donc il dit chapitre sur la parole d'Allah. Parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme l'amour d'Allah. Donc le verset complet dit wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ça c'est le début du verset dans sourate Al-Baqarah. C'est-à-dire, parmi les gens, il en est qui prennent des égaux. Andadan, le pluriel de Nildun. C'est-à-dire qui mettent des créatures à l'égal d'Allah. Comment ? Yuhibbunahum kahubbillah. Ils les aiment comme l'amour d'Allah. C'est-à-dire qu'ils aiment ces créatures, qui sont en l'occurrence leurs idoles, comme ils aiment Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Alors que ceux qui ont la foi, leur amour est plus grand pour Allah, c'est-à-dire leur amour pour Allah est plus grand que toute chose, que tout amour, et également est plus grand que l'amour que cela voue à Allah et à leurs idoles. Donc, qu'est-ce que nous montre ce verset ? Ce verset nous parle d'une adoration qui est Al-Hub, et qui est même un des deux piliers de l'adoration, puisque l'adoration elle a deux piliers. Al-Hub, d'une part, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autre part, At-ta'zim, la vénération d'Allah, c'est-à-dire qui va avec la crainte d'Allah, Azza wa Jal. Donc exalter Allah et le craindre, et de l'autre part, l'aimer. Ça c'est la base de l'ibada, pour que ce soit réellement l'adoration qui est considérée, qui est prise en compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous parle des mushrikines en disant qu'ils aiment, ils mettent des créatures, donc leurs idoles, à l'égal d'Allah dans l'amour. Donc ils aiment leurs idoles d'un amour qui est égal à l'amour qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà ça nous prouve qu'ils aimaient Allah, comme on l'a déjà dit. Ils croyaient en Allah et ils l'aimaient. Mais ils étaient des mouchriquines qui aimaient leurs idoles autant qu'ils aimaient Allah. Et là, donc pour bien comprendre le verset et ce sujet, il faut expliquer que Al-Hub, quand on parle de Al-Hub, il y a deux sortes de Hub. Il y a Al-Hub qui doit être exclusif à Allah, l'amour qui est exclusivement voué à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est hubbul ibada, un amour qui est une adoration. Cet amour, quel est-il ? C'est l'amour qui te pousse à adorer la chose que tu aimes, à te prosterner devant lui, à te rabaisser devant lui, etc. etc. Donc c'est cet amour que les mushrikines vouaient à leurs idoles, puisque cet amour, il les amenait à jurer par leurs idoles, à se prosterner pour leurs idoles, et avouer leurs différents actes d'adoration à leurs idoles. Donc cet amour-là ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un vient le vouer à autre qu'Allah, il devient mushrik. Mais pour qu'on comprenne, entre amour et amour, les différences entre amour et amour, c'est que celui qui viendrait avouer cet amour pour autre qu'Allah, ça se verrait dans ses actes, c'est-à-dire qu'il adorerait cette chose. Ce ne sera pas un simple amour. C'est un amour qui va le pousser à adorer cette chose. Celui-là, il devient mushrik. Et ensuite, il y a un amour par lequel on peut aimer autre qu'Allah. Par exemple, l'amour naturel. L'amour naturel, c'est que tout être humain, il aime par exemple la nourriture. Il aime les vêtements. Il aime la boisson, etc. etc. Surtout, plus il a faim et plus il aime la nourriture. Ça, c'est un amour naturel. Il y a aussi l'amour des liens de parenté, par exemple, qui peut être un amour soit de shafaqa, c'est-à-dire de pitié, comme l'amour et de miséricorde, comme l'amour que quelqu'un a envers son enfant, ou alors au contraire, ça peut être un amour de ta'zim, un amour de respect et de vénération, comme lorsque l'homme aime sa mère et aime son père. Ça, c'est un amour normal, naturel, qu'Allah Azzawajal a mis dans le cœur des êtres humains. Donc ce genre d'amour, il n'est pas blâmable. À la base, il est licite. Il y a un autre genre d'amour également qui est hub al-uns, l'amour, entre guillemets, de société, je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'est un peu de sympathie. Toute personne, par exemple, qui voyage avec une autre, et ils vont plaisanter, ils vont rester ensemble longtemps, ça va amener à ce qu'ils s'aiment, il y ait de la sympathie entre eux. Si une personne, elle travaille avec une autre et ils s'entendent bien, ça va amener à ce qu'ils s'aiment. Donc leur relation a fait qu'ils s'aiment bien. Donc ce genre d'amour, l'amour naturel, l'amour des liens de parenté, l'amour à cause des relations sociales, ça c'est quelque chose qui à la base est mubah, c'est licite. Ça c'est pas du shirk. Pourquoi ? Parce que c'est pas un amour qui mène à la soumission et à l'adoration. Et le meilleur de cet amour-là, c'est celui qui sera pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire là, il ne sera pas seulement licite, mais ça sera une ibadah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a dit à Mu'adh ibn Jabal, « Ya Mu'adhu inni uhibbuka ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit à Mu'adh, « Ô Mu'adh, certes je t'aime ». Parce que Mu'adh était quelqu'un de salih, quelqu'un de pieux, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Quand Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man ahabbun nasi ilayk ?» Qui est la personne que tu aimes le plus ? Il a répondu, « Aisha, radiyallahu anha ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Aïcha, il l'aimait parce que c'est sa femme et également pour sa piété. Il a dit Thummaman et ensuite qui tu aimes ? Et il a dit Abouha, son père, Abu Bakr radiallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait au-dessus de tous. Pourquoi ? Parce qu'il était le meilleur des croyants et celui qui l'a aidé par ses biens, qui était avec lui dans Al-Hijra, celui qu'il consultait toujours, etc., etc. Donc on peut aimer autre qu'Allah. Mais de quel amour ? De l'amour qu'on vient d'expliquer, pas de l'amour qui est une ibada. Et cet amour qui est licite, eh bien comme toute chose qui est licite, selon les intentions et selon pourquoi il est voué, il peut devenir une ibada. Et au contraire, il peut devenir interdit. Par exemple, l'amour qu'on porte pour ses enfants, si on l'utilise pour bien s'occuper d'eux, respecter leurs droits, les éduquer dans l'islam, ça devient une ibada. Si l'amour qu'on a pour nos parents, on l'alimente avec la bienfaisance envers nos parents, l'obéissance envers nos parents, ça également, et pour plaire à Allah, ça devient une ibada. Par contre, si une personne aime la nourriture, ce qui à la base est normal et c'est licite, mais elle l'aime au point de faire du gâchis dans la nourriture et de dépenser ses biens dans la nourriture en faisant du gâchis, là ça devient, son amour il a dépassé pour devenir un péché. S'il aime par exemple il aime une personne, un collègue, alors qu'il n'est pas musulman, il n'est pas soumis à Allah, il mécroit en Allah, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le renie, son amour il est illicite. Alors qu'à la base on avait dit aimer pour une relation sociale c'est quelque chose de licite et de normal. Donc cet amour qui est à la base licite il doit être dans ce qui correspond à la religion. Il peut être donc devenir une ibada. Mais à l'inverse, s'il contredit la religion, il peut devenir un péché. Donc ça, c'est pour le fait d'aimer autre qu'Allah. Et aimer, le meilleur, c'est d'aimer pour Allah. Et plus la personne, sa foi est correcte et sa foi est forte, eh bien plus son amour, tous ses amours qu'elle voue aux gens, il va être pour Allah. C'est-à-dire que plus sa foi est forte, plus elle ne va aimer que ceux qu'Allah Azza wa Jal aime. Elle ne va aimer que les droits, les musulmans droits, les croyants droits, pratiquants, etc. Et plus elle va détester ce qu'Allah déteste. Plus sa foi est forte, plus elle va aimer les endroits qu'Allah aime. Et elle va détester les endroits qu'Allah déteste. Plus sa foi est forte, plus elle va aimer les actes qu'Allah aime. Les œuvres qu'Allah aime. Et il va détester les œuvres qu'Allah déteste, c'est-à-dire les péchés. Et ainsi de suite. Et ça, par contre, ça c'est la perfection. Et ça c'est une ibadah, comme on va le voir par la suite. Donc ici, le verset au début nous parle du hub dans le sens de ibadah, qui ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite wa qawluhu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi al-aya. Donc ensuite il cite un autre verset qui est dans la sourate, il n'a pas cité ici la référence. Donc le verset qui dit qul in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله. Donc le verset cite 8 choses. Il dit, si vos pères, vos fils, faut pas que je me trompe dans l'ordre, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos tribus, les biens que vous avez amassés, le commerce dont vous craignez la chute, et les demeures dont vous êtes satisfaits, vous sont préférables à Allah, à son messager et à la lutte dans le sentier d'Allah, alors fatarabbasu. Fatarabbasu, c'est-à-dire intaziru, attendez. Dans le sens, attendez le châtiment d'Allah. Tarabbasu, ça ne veut pas juste dire attendez. C'est une menace qui est sous-entendue par là. Attendez jusqu'à ce qu'Allah vienne par son ordre, amène son ordre, c'est-à-dire amène son châtiment. Donc ici, le verset nous parle du fait de mettre en avant l'amour des choses sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim, dans l'explication, dit que une des causes pour lesquelles le verset a été révélé, c'était des gens qui s'étaient convertis à l'islam et qui étaient à Mecca, et ils refusaient de faire l'émigration vers Médine. Qu'est-ce qui les retenait? Eh bien, c'était leur famille. Ils aimaient leur famille qui ne s'était pas convertie à l'islam. Ils aimaient les maisons dans lesquelles ils étaient. Ils aimaient leurs biens, leur commerce. Et tout ça, ça les empêchait d'obéir à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam en accomplissant l'hijra, c'est-à-dire l'émigration. Donc Allah a révélé à ce genre de personnes, si vos familles, vos tribus, vos commerces, vos demeures vous sont préférables à Allah et à son messager et à la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez le châtiment d'Allah. Et ici, quand le verset dit « Vous sont préférables à Allah et à son messager », c'est quoi qui est sous-entendu en fait? C'est-à-dire à l'obéissance à Allah et à son messager. Car on avait vu que celui qui viendra aimer quoi que ce soit réellement au-dessus d'Allah devient mushrik, devient mécréant. Alors qu'ici, on parle simplement de choses qui sont parmi les kaba'ir, parmi les grands péchés. Donc on ne parle pas de mécréance. Donc le verset signifie mettre ces choses-là en priorité vis-à-vis de l'obéissance à Allah et à son messager, et au fait de lutter dans son sentier, ou au fait de faire l'émigration, etc., etc. Donc ça, c'est une sorte, ce sont des grands péchés qui comportent une sorte de shirk subtil. Pourquoi? Parce que c'est mettre en avant l'amour qu'on a pour les créatures, ou le commerce, etc., sur l'amour de l'obéissance à Allah, et sur le fait de chercher la satisfaction d'Allah et l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est quelque chose de très dangereux. Et également, ce qui est voulu par ce verset, ce n'est pas l'interdiction d'aimer ces choses. Parce que l'amour de ces choses, comme on l'a dit, il est naturel. L'être humain, il ne peut pas le repousser de lui-même. Le fait qu'il aime son commerce, qu'il aime sa maison, il ne peut pas la détester. Parce que c'est quelque chose qui est pour son intérêt. Mais ce qui est voulu, c'est dans les actes et dans les conséquences. Ce qui lui est demandé, c'est de mettre en avant l'obéissance à Allah sur l'attachement à ces choses-là. Et là, ça prouvera bien que l'amour d'Allah Azza wa Jal et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui remplit le plus son cœur. Par contre, si l'amour d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur est faible, eh bien, il ne sera pas assez fort pour se détacher de ces choses-là quand l'ordre d'Allah va contredire l'attachement à ces choses-là. Donc, tant que la religion ne contredit pas son attachement à ces choses-là, cette épreuve, elle ne va pas apparaître. Mais lorsque l'ordre d'Allah va contredire, va lui demander de se détacher de ces choses-là, eh bien, c'est là qu'on va voir si l'amour d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus grand dans son cœur, ou si l'amour qu'il a pour Allah est faible et qu'il a encore un grand amour pour la vie d'ici-bas. Donc, c'est un combat dans son cœur entre hubbud dunya, l'amour de la vie d'ici-bas, et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce combat, il va se voir dans ses actes. Si il met en avant les ordres d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou si plutôt il s'attache et il se repose sur ce qu'il a de dunya. Donc imaginez-vous les sahaba radiallahu anhum, justement, la preuve de foi qu'ils ont fait dans leurs actes, puisque eux, ils ont été appelés à émigrer, ils ont été appelés à se tourner contre leur propre peuple, ils ont été appelés à sacrifier complètement leurs biens, leur famille pour partir dans la lutte dans le sentier d'Allah, et à chaque fois ils ont répondu présent. Tout ça parce que l'amour d'Allah, c'est ce qu'il y avait de plus grand dans leur cœur. Le désir de voir Allah subhanahu wa ta'ala, d'être dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, tout ça, ça leur était préférable au fait d'être attaché à un commerce ou à une femme ou à une famille ou à une maison, etc. Donc ça, bien sûr, ça, ça a un grand rapport avec At-Tawhid. Et le manquement dans ça, c'est un manque dans At-Tawhid. Il dit ensuite, وَعَنْ أَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَخْرَجَاهُ وَلَهُمَا عَنْهُ قَالْ. On va le lire après. Donc premièrement, le hadith de Anas radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous ne croira, la yu'minu, ici c'est dans le sens, il n'aura pas l'iman al-kamil, il ne serait pas un vrai croyant. Il sera un croyant, il sera un mu'min, mais il ne sera pas un mu'min complet. Il ne sera pas un vrai mu'min, entre guillemets. Donc nul d'entre vous ne sera un vrai mu'min, tant que je ne serai pas préférable, ou qu'il ne m'aimera plus plutôt, que ses enfants, son père et tous les gens. Donc pour avoir la foi complète, il n'y a pas d'autre issue que d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-delà de tous les gens, même de ses propres parents. Et ça, quand on y réfléchit, c'est logique. Pourquoi ? Parce que celui qui met par-dessus tout l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là qui va toujours obéir à Allah. Puisque l'amour du prophète va se voir dans ses actes. Comme il va aimer le prophète par-dessus tout, eh bien dans toute situation et dans toute affaire, il va obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, s'il aime par exemple son père plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où son père lui ordonnera quelque chose qui contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va obéir à son père et donc il désobéira à Allah. Et celui qui désobéit à Allah, sa foi n'est pas complète, ce n'est pas un croyant complet. Le jour où sa passion pour une chose l'amènera à désobéir, il désobéira parce qu'il n'a pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que cette chose. Donc voilà comment on comprend. Donc pour être un croyant complet, il faut absolument que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit la chose, l'amour le plus haut dans notre cœur envers les créatures. Et ça montre également que la personne aime ce qu'Allah aime. Car dans les créatures d'Allah et les êtres humains, quel est celui qu'Allah aime le plus ? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, plus la foi d'une personne est forte, plus son amour va être lillah wa fillah. Il va aimer pour Allah et en Allah. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah aime, il va l'aimer, et tout ce qu'Allah déteste, il va le détester. Donc s'il arrive à ce niveau, eh bien forcément il ne va pas aimer quelqu'un plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque la créature la plus aimée d'Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Donc toujours dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ثَلَاثٌ il y a trois choses. Celui qui les a trouvera la douceur de la foi. C'est-à-dire que il goûtera la saveur de la foi. Et il sentira le bonheur d'être un croyant. Alors que celui qui en est privé, il sera un mu'min. Il a de la foi, mais il ne goûtera pas ce goût. Donc ces trois choses, il a dit, c'est qu'Allah et son messager lui soient préférables à toute chose. C'est-à-dire qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Donc celui-là, il va goûter la saveur de la foi. Pourquoi ? Parce que dans toute histoire et dans toute situation, il va mettre en priorité l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il aura une certaine intimité et il va atteindre el-wilaya. Il aura el-wilaya, c'est-à-dire il sera un wali, comme il est dit dans le hadith Qudsi, que plus la personne se rapproche d'Allah avec les actes surérogatoires, jusqu'à ce qu'Allah l'aime. Et à ce moment, il devient parmi les awliya, parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il profitera de la protection d'Allah, il profitera de la guidée d'Allah, du secours d'Allah azza wa jal. Et donc, il goûtera la saveur de la foi. Et ensuite il a dit et que lorsqu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Ça également, ça fait partie de la perfection de la foi. C'est qu'une personne, au lieu de l'aimer pour un intérêt mondain, pour une passion commune, tu n'aimes les gens que pour Allah. C'est-à-dire, tu aimes les prophètes, alayhi salatu wassalam, parce qu'ils sont les envoyés d'Allah. Tu aimes les anges parce qu'ils sont les serviteurs pieux d'Allah. Et tu aimes ensuite tous les serviteurs d'Allah azzawajal qui lui sont obéissants. Et à l'inverse, tu détestes, plus la personne est loin d'Allah et plus tu la détestes. Si tu atteins ce niveau-là, c'est que ta foi, elle est complète. Et là, tu goûteras la saveur de la foi. Pourquoi ? Parce que tu ne seras jamais déçu par quelqu'un. Alors que celui qui crée des relations et qui aime ou qui déteste autour de la vie d'ici-bas, eh bien, il sera toujours puni pour cet amour qu'il a voué pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que forcément, un jour ou l'autre, il sera déçu. Et il sera amené à des mauvaises conséquences parce qu'il a aimé une personne pour une passion en commun, pour un intérêt mondain, etc. Contrairement à celui qui n'aime les gens que s'ils sont obéissants à Allah Azza wa Jal, celui-là ne sera jamais déçu. Et il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça, donc qui parlent du mérite de s'aimer en Allah, de se visiter en Allah. Wajabat rahmati, la miséricorde d'Allah est obligatoire pour ceux qui se visitent pour Allah, qui s'aiment pour Allah. Il y a beaucoup de hadiths sur ce sujet. Et la troisième, il a dit, et qu'il déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Donc ça, c'est celui qui a goûté la douceur de la foi. Celui qui a goûté la douceur de l'islam, qui apprécie la valeur de l'islam, celui-là, il détesterait revenir dans la mécréance, comme il détesterait qu'on le jette dans le feu. Pourquoi ? Parce que justement, il goûte le goût et la saveur de l'islam. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. Dans un autre hadith, il a dit, nul d'entre vous ne trouvera la saveur de la foi jusqu'à, et il a cité la suite du hadith. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. Donc Ibn Abbas radiallahu anhuma disait, celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, qui s'allie pour Allah et prend des ennemis, ada, c'est-à-dire qui prend quelqu'un pour ennemi pour Allah, la wilaya, c'est-à-dire le fait d'être un allié d'Allah, ne peut s'acquérir que par cela. C'est-à-dire si une personne veut être un wali, dont Allah Azza wa Jalla dit « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun » S'il veut être un wali d'Allah, un allié d'Allah, quelqu'un de proche d'Allah, eh bien il faut qu'il aime pour Allah, c'est-à-dire il aime les gens, les endroits et les actes qu'Allah aime. Et il déteste pour Allah, il déteste les gens qu'Allah déteste, les endroits qu'Allah déteste et les œuvres qu'Allah déteste. Donc son amour en fait, eh bien il est conforme à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il a dit, et nul ne trouvera le goût de la foi jusqu'à ce qu'il soit de la sorte, même s'il fait beaucoup de salat et beaucoup de jeûne. C'est-à-dire personne n'aura la foi, la vraie foi, et ne se délectera de la foi qu'il a jusqu'à ce qu'il soit de cette façon. Et il y a des hadiths qui ressemblent, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ressemblent à cette parole d'Ibn Abbas, comme le hadith qui dit, man ahabba lillah wa abghada lillah ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان. Celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah et s'allie pour Allah et prend ennemi pour Allah, celui-là sa foi sera complète. Ensuite il a dit رضي الله عنهما وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. Et il a dit, et la plupart des gens maintenant ne fraternisent que pour الدنيا, sachant que cela ne leur sert à rien. Ça, c'est à son époque. Il dit, mu'akhat, al-mu'akhat, qu'est-ce que c'est ? C'est la fraternité, le fait d'être des frères. Il dit maintenant, la plupart des gens ne sont des frères qu'autour de la dunya. C'est-à-dire, s'ils ont un intérêt en commun, une passion en commun, eh bien, ils vont devenir des amis pour cette chose, et non pas pour la religion ou pour l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, il se plaint, il dit la plupart des gens maintenant ne deviennent amis et ne deviennent frères qu'autour d'eux, des choses de la dunya, et cela ne leur servira à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense derrière cela, et même la personne ne trouve pas de, de goût à cela. Parce que ce n'est pas un amour qui est solide, ce n'est pas un amour qui est sincère. Et le jour où la chose disparaît, leur amour également disparaît. وقال ابن رواه ابن جرير donc ça s'est rapporté par ابن جرير donc dans le tafsir وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة et ابن عباس a dit à propos de du verset qui dit تقطعت بهم الأسباب c'est-à-dire les أسباب les liens entre guillemets seront coupés entre eux entre les mécréants et entre les mécréants et ceux qu'ils adoraient ou ceux qu'ils suivaient et ابن عباس a expliqué les liens entre eux par المودة L'amour qu'ils avaient dans la vie d'ici-bas entre eux, comme il n'était pas un amour fondé sur la cause d'Allah, il n'existera plus dans l'au-delà. Dans l'au-delà, la mère ne connaîtra plus son enfant, celui qui était suivi ne connaîtra plus celui qu'il suivait, ni inversement, etc. Alors qu'ici-bas, ils s'aimaient. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas un amour qui était pour la cause d'Allah. Donc cet amour-là, il est amené à disparaître. Donc on s'arrête là pour Kitab al-Tawhid. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه